Pour la première fois en France, le groupe des copains. J'aimerais garder cette unité qui nous a créés tous ensemble. Mes amis sont là, ils sont en face de moi et ils m'écoutent. Je reconstruis le groupe, ils s'étaient disputés, ils s'étaient déchirés, mais j'étais là pour les réconcilier. Et je rêve de ce jour tellement rempli d'amour. Ils se donneront la main en chantant ce refrain. Le groupe, le groupe, le groupe, le groupe, le groupe, le groupe est bien. Un plus un, plus un, plus un, plus un. Et y a le groupe des copains. Le groupe des copains. Le groupe des copains. Le groupe des copains. Je rassemble les copains autour d'un thème précis. Par exemple, mater des films toute la nuit et enchaîner les claps en se disant qu'on est fun. C'est ça mon groupe de potes et c'est clair que ça en donne. Je ne regrette rien, je n'oublierai jamais. Même si le trait de leur côté commence à être tiré. Ils s'étaient disputés, ils s'étaient déchirés. Mais j'étais là pour les réconcilier. Et je rêve de ce jour où tellement rempli d'amour ils se donneront la main en chantant ce refrain. Le groupe, le groupe, le groupe, le groupe. Le groupe est bien. Ah, plus un, plus un, plus un, plus un. Il y a le groupe des copains. Le groupe des copains. Le groupe des copains.